بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس السابع والخمسين 57 leçon في السؤال التاسع والأربعين مع 349 question اذكر بعض أسماء الجنة cite certains noms du Jannah donc ces noms sont selon pris selon des versets أولاً دار السلام la maison de la paix والدليل قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون qu'ils auront la demeure de la paix auprès de leur Seigneur et qui est leur allié pour ce qu'ils auront accompli. Al-An'am, les bestiaux, verset 127. Donc, Dar es-Salam. Thumma al-Husna, la meilleure des récompenses. Wa dalil qawluhu ta'ala, lillazina ahsanu al-Husna wa ziyada. La talahaku, wujuwahum qatarun wa la zilla. Ulaika ashabul jannati mufiha kharidun. Lorsque, dans le sens où elle a dit, et ceux qui auront bien agi auront la meilleure des récompenses. Et même plus encore. C'est-à-dire, le plus encore, on le cite souvent, c'est la vision d'Allah, Azzawajal. La vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est dans le verset de 26e verset de Surat Yunus. Ce maqala, dar al-maqama. La maison de la stabilité. On traduira comme ça, à peu près. Wa dalil qawlu ta'ala, allazina ahalla lana dar al-maqama min fadlihi. La yamassunna fiha nasabun wa la yamassunna fiha l'ughub. Donc il dira, dans le sens, celui qui nous a permis de rentrer dans la maison de la stabilité, demeure de la stabilité par sa grâce. Nous ne serons point touchés par la fatigue ou autre comme mal. Fatir, créateur, verset 35. Et également, dal al-qarar. Et dal al-qarar, ça traduirait comme maqam, hein, qui serait en français la stabilité. Également. Wa dalil qawluhu ta'ala, yaqouminna mahadil hayatu dunya mata'. Lorsque cet homme qui était le croyant parmi les gens de Pharaon dira à son peuple, ô mon peuple, cette vie de ce bas monde n'est qu'une jouissance temporaire, alors que l'au-delà, c'est celle de la stabilité, c'est-à-dire celle de la continuité. C'est la demeure qui perdurera par la suite. Rafil pardonneur, verset 39. Somakala Visuel et Khamis. Au Khamsin, Bab Salafmiya. 350e question. Ma a'la darajat al-jannah. Quel est le plus haut degré du paradis? Kulna, c'est le Firdaus. Et le Firdaus, son toit, c'est le trône du Rahman, comme nous l'avons dit auparavant. Et le hadith, nous l'avons cité, c'est le hadith d'Abu Huraira, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si vous demandez à Allah quelque chose, alors demandez-lui le Firdaus, car il est le centre ainsi que le niveau le plus haut du Jannah. Et qu'au-dessus se trouve le trône du Rahman. Et c'est de là que jaillissent les fleuves du Jannah. Thumma qala, ma fi su'al al-wahid wa khamsid ba 350e question. Ma a'la maqam fi al-firdaus al-a'la. Quel est le plus haut grade justement dans le firdaus? Lui-même a des grades. Quel est le plus haut de grade dans cette partie du Jannah? Qala al-wasila wa hiya. Ce qu'on appelle le wasila, qui est propre et spécifique à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa dalil al-hadith, Abdullah ibn Amr ibn al-As, annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Donc le hadith, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire après avoir entendu l'azan. Qal, idha sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi bi'a 'ashran. Thumma سلوا الله لي وسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن نكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم. Donc il a dit, si vous entendez le muazzin, alors dites comme il dit, répétez ce qu'il dit, et ensuite faites ce qu'on appelle la salat sur moi, le fait de dire prononcer la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui l'accomplit cela, Allah fera son éloge plus de 10 fois. Ce qu'on appelle la salat d'Allah Azzawajal sur la créature, c'est son éloge. Ensuite, demandez à Allah pour moi le wasila, justement, c'est ça le shahid. Demandez pour moi à Allah le wasila. Car elle est un niveau du paradis qui ne revient qu'à un seul parmi les serviteurs d'Allah Azzawajal. J'espère que ce sera moi. Et que celui qui me demande pour moi le wasila, il aura droit à ma shafa'a, mon intercession, le jour de la résurrection. Naam. ثم قال في السؤال الثاني والخمسين بعد 300 352e question. هل في الجنة غل وحسد؟ Est-ce que dans le paradis, il y aura encore de la jalousie et du mépris les uns vers les autres? Ces sentiments que l'on ressent en ce bas monde, même des fois malgré nous, mais qu'on combat. Est-ce qu'ils seront présents également au Jannah? Quand Allah l'a laissé faire le Jannah, il n'y aura rien de tout cela au Jannah. Et le dalil, qu'Allah Ta'ala, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى صُدُورِهِمْ مُتَقَابِلِينَ. Et nous enlèverons de ce qu'il y a dans leur poitrine comme mépris ou comme étroitesse les uns vers les autres et seront sur des lits les uns face aux autres en tant que frères, purs frères. Et le Hijab, verset 47. Donc tout cela n'existera plus au paradis. Il n'y aura plus cela entre nous. Walhamdulillah pour ceux qui en feront partie. ثُمَّ قَالَ فِي السُّوَيْ لَثَالِسُ وَخَمْسِي بَرْسَلَاثِمِيَا 353e question. Kam soufouf al Jannah, combien sont de rangs les gens du paradis? Il dit 120 rangs. Ils sont 120 rangs. Après, il dit dans la question 354e question, Kam soufan min hadil umma, et combien cette communauté aura le droit parmi ces 120 rangs? Il dit 80 rangs. 80 rangs, c'est-à-dire plus de la moitié de ces rangs. والدليل في حديث بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم رواه أحمد. Donc il a dit les gens du paradis seront de 120 rangs, 80 pour les gens de cette communauté et 40 pour les autres communautés, c'est-à-dire antécédentes. Et d'ailleurs les gens de cette communauté représentent la moitié des gens du paradis, comme cela est venu dans plusieurs hadiths. ثم قال في سؤال الخامس والخمسين بعد 300 355 question. بكم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء؟ Combien de temps en avance rentrent les pauvres avant les riches au paradis? Il dit بخمسمية ونصف يوم. C'est-à-dire 500 ans et une demi-journée. والدليل حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم. Que les pauvres rentreront au paradis avant les riches de 500 ans et d'une demi-journée. رواه الترمذي. Et qui était authentifié par l'Albani رحمه الله تعالى. Ensuite, il finit en disant في السؤال السادس وخمسين بعد 300 356e question. كم اليوم عند الله عز وجل. À combien équivaut un jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand Allah, des fois, il parle de jour dans son livre, cela représente combien de temps pour nous? فَقَالَ بِأَلْفْ سَنَا مِنْ أَيَّامِنَا. Ça revient à 1000 ans de nos jours à nous. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Et que certes, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez vous. Sourate Al-Hajj, verset 47. نعم فبهذا كنا نكتفي اليوم والحمد لله رب العالمين.